Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour trembler. Abby, une mystérieuse fille de 12 ans, vient d'emménager dans l'appartement à côté de celui où vit Owen. Lui est marginal, il vit seul avec sa mère et est constamment martyrisé par les garçons de sa classe. Dans son isolement, il s'attache à sa nouvelle voisine qu'il trouve si différente des autres personnes qu'il connaît. Alors que l'arrivée d'Abby dans le quartier coïncide avec une série de meurtres inexplicables et de disparitions mystérieuses, Owen comprend que l'innocente jeune fille est un vampire. Comme certains ont pu l'entendre, il y a eu un incident la nuit dernière. L'un de vos jeunes diplômés a été tué. C'est pourquoi nous vous demandons d'être attentifs à tout événement suspect. Vous venez d'emménager ? Comment tu sais ? J'habite à côté. Que s'est-il passé ? Dégâts de l'école. Je t'aiderai. T'es une fille. Je suis plus forte que ce que tu penses. On a trouvé un autre corps. Complètement vidé de son sang. Ne revois plus jamais ce garçon. Où est ton père ? C'est pas mon père. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Laisse-moi entrer. Un film de Matt Reeves, un DVD métropolitain.